Couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy au 94.2 sur fadjet.net pour votre demi-heure avec les artistes de la région. Et j'ai même envie de dire de la grande région. Coucou à nos amis alsaciens et ardennais, mais surtout à nos amis Laurent, Pierre au micro pour une demi-heure avec un duo que j'ai déjà reçu. Parfois, je reçois des gens à nouveau, surtout quand ils sont beaux et que je les aime bien. Voilà, il y a des gens qui sont favorisés. Que voulez-vous que je vous dise ? Meilleurs vœux, je vous le dis maintenant parce que pour l'émission du week-end dernier, je ne vous l'ai pas dit. Alors je vous dis meilleurs vœux, chers auditeurs, des vœux en musique. Vous êtes peut-être en train de manger, puisque vous nous écoutez soit le samedi à 13h, soit le dimanche à midi. Dans tous les cas, bon appétit. Nous, on va s'intéresser à autre chose que votre palais. Hein. Là, vous êtes en train de manger, c'est bon. Votre ventre gargouille de plaisir. Eh bien, nous, on va vous donner ce plaisir pour votre âme. On va s'intéresser à votre cœur, à votre esprit. On va vous faire réfléchir, rêver, danser surtout avec un duo teinté. C'est chill, c'est cool, c'est sympa, c'est Death by Selfie. Selfie. Nous sommes avec Stan. Bonjour Stan. Salut Pierre. Et nous sommes avec Harold. Salut beau gosse. Salut. Alors je vous avais déjà reçu et je vous reçois encore une fois comme je viens de le dire puisque vous avez sorti un nouvel EP qui s'intitule Multiverse. Mm-hmm. On en a un peu parlé puisque c'est un terme qui est dans l'air du temps. On s'y intéresse beaucoup dans la fiction aujourd'hui, que ce soit chez Marvel, chez Netflix. Maintenant, il faut que je cite une troisième marque. Chez Death by Selfie, trademark, multiverse disponible sur le Bandcamp. Ouais. Et puis j'imagine sur toutes les belles plateformes. Sur toutes les plateformes, et puis même en CD pour ceux qui ont encore de quoi lire ces choses-là. Ouais. On est un peu à la vieille école aussi, un peu vintage. Il faut des CD, des vinyles peut-être. Délivrés. Ouais. On aime bien quand c'est palpable. On n'est pas minuit, alors je ne vais pas poursuivre cette blague antennes de Fadjet. Au 94.2, on est avec Death by Selfie. Alors vous avez fait une sacrée tournée récemment dans les radios. Mm-hmm. Pour présenter votre projet, vous étiez notamment à Talent d'ici, RCF, radio partenaire et qu'on diffuse, donc on embrasse tout ce petit monde-là. Mais là, ouais. Je vous ai pour moi, et ça, c'est cool. On va profiter de cette relation exclusive. Ah, on est content d'être là aussi, ouais. Alors, on aura l'occasion d'écouter trois morceaux durant l'émission qui ont été sélectionnés de votre EP. L'occasion pour moi de rappeler que si vous ratez l'émission, si vous arrivez, vous avez raté les trois premières minutes, ne vous inquiétez pas, il y aura un podcast. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Fadjet-6, Couleur Locale et Death by Selfie, évidemment, pour vous suivre sur Bookface, Dev comme Dev, D-E-A-T-H, by B-Y, Selfie, S-E-L-F-I-E. Ça va vite, on est bien. Momo Motus, c'est n'importe quoi. 2023 sera sous le signe des blagues mauvaises. Alors, bon, moi je sais ce que vous faites, mais on va l'expliquer aux auditeurs. Moi j'aime bien ce petit jeu-là. Je vais vous demander en deux, trois phrases, genre très court, de me dire quel style vous faites, qu'est-ce que vous faites, mais genre très court, quoi. Genre pub commerciale, tu vois, genre très rapide. Yes. Qu'est-ce qu'on fait, Harold ? On fait du rétro-futurisme appliqué à la musique. Du rétro-futurisme. On m'a demandé du cours, j'ai fait court. C'est très très cool. J'aime beaucoup ce genre de description. Rétro-futurisme appliqué à la musique. C'est pas mal. Et concrètement, toi, tu fais quoi dans le projet ? Alors, essentiellement du synthé, avec plusieurs formes de synthé, plusieurs formes d'ondes, carrées, sinusoïdales. qu'est-ce que je fais ? Eh bien, de la compo avec Stan. On écrit vraiment ensemble toujours nos morceaux musicaux. On compose séparément pour les paroles de chansons, mais la construction, l'arrangement, les échanges musicaux, l'enregistrement, prémix, on fait tout à la maison. Et ensuite, on a commencé à externaliser. On a commencé à externaliser pour mieux faire. Et je pense notamment au mix et au mastering. Et on en profite pour saluer Maître Yoda. Maître Yoda. Voilà. Jean-Pascal Beaufaux, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Qui a mixé votre dernier EP. Voilà. Et qui l'a transformé, qui l'a vraiment transformé. et améliorer. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? Des fois, ça nous arrive de faire de la pop et un peu électro. Donc, on va dire qu'on fait aussi un peu de l'électro-pop. Voilà. Électro-pop. Ouais. Et toi, j'imagine que tu as la guitare, du coup. Alors, moi, je fais tout ce qui est cordes. Basse, guitare. Et puis, voix aussi. Hein. Voix. Ouais. Pour un voyage qui, cette fois-ci, est multiversel. Mm-hmm. Alors, je vais lire votre présentation, votre dossier de presse, puisque parfois, ça permet de comprendre ce que vous êtes. Dis-moi ce que tu écris dans ton dossier de presse et je te dirai qui tu es. Le multivers, les multivers, on ne sait pas vraiment si ça existe, mais on aurait bien envie d'y croire. Être à la fois ici et là, identique et différent, dans une infinité de mondes parallèles où tous les possibles se réalisent. Multivers, un EP, c'est un titre, c'est beau ça. C'est vous qui avez écrit ça ? Ouais. Ah là, on joue du violon. Hein. Tu fais pas de violon là ? Non. Là, c'est... J'ai envie de pleurer. Ok, alors une musique vaut mieux que 10 000 mots, on a à peu près compris votre univers, mais maintenant on a envie d'écouter parmi la sélection des trois titres que vous allez pouvoir écouter sur Fadjet dans Couleur Locale avec Death by Selfie. Nous avons le premier qui s'intitule What to Free, qui s'intitule Dernier Cliché. Cliché. C'est un mot que les Anglais disent de nous, là. Cliché. Dernier cliché. Alors, je vais vous poser une question. En général, il y a deux écoles en termes de réponse. La question, c'est de quoi parle le morceau ? Alors, soit on me répond, les auditeurs, ils ont qu'à écouter, c'est quoi cette question de merde ? Et du coup, je pleure, je rentre chez moi et je suis en PLS sur mon canapé et j'ai très mal au cœur. Ou alors, on me tease un peu quand même. On peut teaser un petit peu. Stan, qu'est-ce que t'en penses ? Tout simplement, on a voulu expliquer le nom du groupe, Death by Selfie. Et c'est de ça que parle cette chanson. Le dernier cliché, c'est ce dernier selfie fatal que tu fais au bord de la falaise. Magnifique. On écoute Dernier cliché de l'EP Multivers de Death by Selfie. Au mauvais endroit, au mauvais moment, et je suis passé à la postérité. De vis à trépas, il n'y a qu'un pas, et je l'ai franchi sans aucune garantie. Sur les fanzines people, quatre parts par ma gueule, un petit caractère. Selfie sur l'eau, mauvais scénario. Selfie sous le tonnerre, tu payes cash mais ça flash. La la la la la la la la la la la la. Un dernier cliché pour la postérité. Un dernier cliché, je suis postérisé. Un dernier cliché, je suis pixelisé. Un dernier cliché, je suis retouché. Un dernier cliché, je suis customisé. Un dernier cliché, je suis presque oublié. Un dernier cliché, déjà supprimé. Un dernier cliché, un dernier cliché. Les crocodiles paraissent dociles. Je suis en âge, vite, un dernier hommage. Je jouais de la guimbarde, bien trop près de la rambarde. Je m'éclate sur l'asphalte, un arrière-goût de bazar. Selfie, selfie, selfie, est-ce que tu te souviens de moi ? Selfie, selfie, selfie, sans filtre et sans story. Selfie, selfie, selfie, est-ce que tu te souviens de moi ? Selfie, selfie, selfie. Un dernier cliché pour la postérité. Un dernier cliché, je suis postérisé. Un dernier cliché, je suis pixelisé. Un dernier cliché, je suis retouché. Un dernier cliché, je suis customisé. Un dernier cliché, je suis presque oublié. Un dernier cliché, déjà supprimé. Un dernier cliché, un dernier cliché. Un dernier cliché. Un dernier cliché. postérité. Un dernier cliché, je suis postérisé. Un dernier cliché pour la postérité. Un dernier cliché, je suis postérisé. Un dernier cliché pour la postérité. Un dernier cliché, je suis postérisé. Un dernier cliché, je suis customisé. Un dernier cliché, je suis presque oublié. Un dernier cliché, je suis pixelisé. Un dernier cliché, je suis retouché. Un dernier cliché, je suis customisé. Un dernier cliché, je suis presque oublié. Un dernier cliché, déjà supprimé. Un dernier cliché. Un dernier cliché de mes invités sur Fadjet dans Couleur Locale, 94.2 à Nancy, Fadjet.net, c'est Death by Selfie. Un dernier cliché de leur dernier EP, Multivers, Bandcamp, Deezer, Spotify, partout. Tout bien quoi, on est partout, partout, ça va ? Ça va, toujours. Ça va toujours. Alors tu disais Harald que vous écrivez tous les deux les textes. Principalement. Mais oui, on écrit et puis surtout on compose ensemble. Vous composez ensemble. Ouais. Mais il n'y a pas quelqu'un qui prend l'ascendant à un moment. Je veux savoir s'il y a des petits concours comme ça. Bah, toujours, mais... C'est un duo, mais il y a toujours des personnalités quand même. Bah, on apporte chacun quelque chose, je pense, de différent. C'est vrai que Stan est quand même plus focalisé sur les cordes, mais il participe aussi sur... la batterie, sur l'arrangement, et puis je pense qu'il y a un dialogue, hein, c'est ce qu'on disait, ce dont on parlait dans la dernière émission. C'est une écriture à plusieurs mains. Mais là, pour le coup, ouais, sur le dernier EP, on s'est assez bien réparti les tâches et les morceaux. Enfin, il y a plusieurs morceaux qui sont chantés par Harald, il y en a qui sont chantés par moi, donc voilà, chacun un petit peu... sa partie de l'EP, quoi. Mais il y a un beau travail sur les voix, hein, notamment sur ce morceau-là, je trouve. Très sympa. Merci. Une petite vibe un peu gothique, je trouve. Ça me fait penser à des groupes comme Sister of Mercy, des trucs comme ça, un peu années 80, rock gothique, électronisant. Un truc un peu... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Sans mettre d'étiquette, mais il y a cette vibe, je trouve. Ah bah complètement. Rétro-futuriste, finalement. Ouais, ouais. Rétro-gothique. On va arrêter les grands mots, chers auditeurs. Bon, il y a Jean-Pascal aussi qui est passé par là. Hein. Ça nettoie bien aussi. Ça nettoie bien. Ouais. Ouais, piste par piste. Ouais. Alors, pourquoi le choix du multivers, d'ailleurs ? On disait, c'est quelque chose aujourd'hui qui est dans l'air du temps, dont on parle beaucoup en fiction. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire là-dessus ? Ah, c'est un thème qui est assez récurrent chez nous, je pense. Et ça nous permettait d'accéder à un imaginaire aussi qui est en droite ligne de ce qu'on écrit. Hein. On aime bien écrire sur des robots qui tombent amoureux, sur des réseaux sociaux douloureux. On aime bien écrire aussi sur un ensemble d'univers possibles dans lequel on évoluerait, dans lequel on se projetterait, dans lequel on rêverait. Ça tombait sous le sens. En fait, quand le mot est sorti, il a fait... ouais, on était à l'unisson. À l'unisson, dans des univers parallèles. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça transcende l'espace-temps, hein, l'espace-temps. Ouais, complètement, ouais. Non, mais c'est sûr, il y a une grosse inspi de science-fiction dans tout ce qu'on écrit. Et voilà, donc, multivers, ça collait bien avec l'ensemble. Puis ça colle avec la musique, c'est... Bah, tant mieux si c'est le cas, ouais. C'est steampunk, je trouve. Je sais pas, quelque chose... Oui, c'est ça. Ouais. Cyberpunk. Punk. Punk. J'aime bien ce mot punk. Non, pas punk. Enfin, c'était juste pour le redire. Ouais, je trouvais qu'il y avait une belle vibe. Toujours avec nos lunettes low-tech. Hein. Ah, ouais, toujours. Les fameuses lunettes. Bah, bien sûr. On avait pris un selfie pour la première émission qui était vraiment très très sympa. Ouais. Chers auditeurs, on s'égare. Il est bientôt 13h15 si vous nous écoutez samedi. Midi 15 si vous nous écoutez dimanche. On est avec le duo Death by Selfie. Duo électropop, rétro-futuriste. Avec Harald qui manie les claviers. Ouais. Et Stan qui manie et les cordes, les deux composent ensemble. Et puis votre ami mixeur qu'on peut reciter. Ouais, Jean-Pascal. Jean-Pascal Beaufaux. Le fameux Jean-Pascal. Ça, ouais, non, c'est un autre là. Ah, ça, c'est des références de boomer. Hein, je suis désolé. pour les plus jeunes d'entre nous. On a écouté Dernier Cliché. Alors, j'avais même pas fait gaffe entre le nom de Dernier Cliché et finalement le nom du groupe. Parce que Death by Selfie, mort par. Par ses filles, j'avais même pas fait attention. Comme quoi, tout est réfléchi. C'est quand même pas mal. Bah, on nous pose souvent la question, en fait, pourquoi ce nom de groupe ? Donc on s'est dit, allez, là, pour le coup, on va faire une explication de texte. Voilà, voilà, exactement. Et je ne l'avais même pas reposé. Ouais. C'est le travail, tout se perd. Hein. Ah, c'est pas grave. Tout se perd, hein, chers auditeurs. Alors, on va pouvoir écouter un deuxième morceau qui s'intitule Animal Totem, on en parlera un peu. Mais avant, j'ai envie de savoir si... Alors, vous avez embrassé à pleine bouche... Mais en respectant les distanciations quand même et en faisant un petit peu gaffe au Covid, ouais. La notion de multivers qui est en train d'exploser en fiction et en science. Moi, j'ai envie de savoir si vous avez aussi une dynamique par rapport à tout ce qu'on appelle des EP concepts, etc. Est-ce que vous avez embrassé aussi ce style-là ? Parce que finalement, ça pourrait être dans le sens de l'EP. Est-ce qu'il y a une histoire, un lien ou pas du tout ? Entre les morceaux de l'EP ? Ouais. Est-ce que c'est concept ou pas du tout ? Ben, chacun est un petit peu un univers à soi, quoi. Chaque titre a un peu son univers et l'ensemble forme le multivers. Quoi. Et l'ensemble forme le multivers, ouais. Donc on est sur un multiverse concept. Mmh. On invente des mots et on aime bien inventer des mots. Vous écoutez Couleur Locale au 94.2 Nancy sur Fadjet.net. On est avec Harald Destan de Def by Selfie. On va écouter Animal Totem. Alors, je vais vous demander de quoi ça parle, mais j'imagine que ça parle d'Animal Totem. Comment as-tu deviné ? Waouh ! Magnifique ! Qu'est-ce qu'on peut dire de ce morceau ? Ouais, ça parle d'animal totem, ça parle des relations humains-animales, ça parle de réalités diverses aussi. De réalités diverses. Ouais. On va faire un petit jeu avec vous, chers auditeurs. Pendant qu'on va écouter la musique, je vous invite à aller sur le Facebook Dev by Selfie et sur Fadjet-Couleur Locale pour aimer la page. Et puis, dites-nous quel est votre animal totem. Et puis, nous, on va dire le nôtre après. Très bien, ça peut être sympa. Okay, on y réfléchit pendant la musique. On fait des petits jeux, on s'amuse bien. C'est Dev by Selfie, animal totem issu de l'EP Multivers. Je ne suis jamais le même. Animal Totem de mes invités Dev by Selfie sur Fadjet dans Couleur Locale. Si vous avez raté l'émission, elle sera sur Onshore et sur le site de Fadjet. Pierre au micro, une demi-heure avec les artistes de la région, 94.1 Nancy et Fadjet.net. Quel est votre animal totem? C'était la question avant qu'on écoute la musique. Et oui, mais on est, voilà, on a discuté. On est parti, c'est ça. Alors, on est parti loin, là. Bon, alors, plus que ça, on va dire, si vous deviez choisir votre animal totem, quel serait-il? Je te laisse un peu réfléchir, Stan. Moi, je l'ai trouvé, en fait, en aparté avec moi-même. Ouais. Je me suis dit, peut-être le poulpe, en fait, hein, tu vois, parce qu'il a des tentacules. Ah ouais. Il est plutôt intelligent, il est plutôt bon en salade, en plus. et comme toi. Voilà, exactement. Ouais, ouais. Et ouais, on va pas savoir ce qui se passe. C'est plutôt, un animal gentil, quoi. Un animal gentil, et en plus. Doté de tentacules, très sensible. Je l'ai tatoué quelque part sur moi. Ah ouais, Pierre est en train de nous montrer une connexion. J'ai un poulpe que je pensais être une pieuvre, mais quelqu'un un jour m'a dit c'est un poulpe. Donc j'ai un poulpe sur moi. Harald, merci. Nous sommes connectés. T'en prie. Chouette. Stan. Moi, je vais rester un peu dans l'idée du clip qu'on a tourné pour Animal Totem, où on allait faire les fous à l'aquarium de Nancy, enfin dans la partie avec les animaux empaillés. À l'étage avec les animaux empaillés, et où on portait des masques d'animaux. Pour le coup, on a enlevé nos lunettes 3D low-tech et on a mis des masques d'animaux. Et du coup, moi j'aimais bien le masque de renard, donc je vais garder le renard. Tu es un renard. Ça t'allait très très bien. Ouais. Très très bien. Tu avais le poil soyeux. Bah oui, exactement. Le poil soyeux, le repas salade, il se passe des choses pas très catholiques. C'est spécial, quoi. Ouais, j'avoue. Quel est votre animal totem, chers amis? Moi, c'est la chouette. Voilà, on choisit pas forcément tout le temps. N'hésitez pas à réagir, ou pas d'ailleurs, sur le Facebook Dev by Selfie, Fadjet-6. Couleur locale, j'ai failli dire une autre émission, comme quoi on est quand même super occupé. Et vous allez l'être, je l'espère pour vous, puisqu'on parlait en off que vous avez candidaté notamment 54 Tours et candidaté à des festivals aussi. Ouais. Donc on espère peut-être vous y voir, ce serait sympa. Oui, je pense que d'ici cet été, que ce soit sur Nancy, Metz ou enfin un peu partout là dans les coins, y a des dates qui vont se confirmer très prochainement. Mais j'en profite pour passer une annonce. On cherche des groupes avec lesquels tourner, quoi. Parce que pour l'instant, on a un set qui est encore assez, assez réduit, quoi. Je veux dire, on est encore en dessous de l'heure de concert. Donc du coup, voilà, si des groupes qui sont un peu dans le même style que nous, pop, électro... Voilà, dans ces délires-là, on a envie de partager un plateau, on est carrément... Ça, c'est une belle annonce. On peut aussi faire une annonce pour les organisateurs de festivals, les bars, les associations, les foyers ruraux, les collectivités, les campagnes, avec plein d'argent à donner, chers amis, et plein d'événements à organiser. Booker Dev by Selfie, contactez-les sur Facebook, par email peut-être, on peut peut-être donner un petit email. Oui, alors l'email du groupe, c'est info@byselfie.com. Non, ça c'est un puissant fond, ce nom. Vous pouvez tout faire. By Selfie. Là, on peut tout décliner. Ouais. Info by Selfie, merchandising by Selfie, voilà. Tinder by Selfie. Oups. Ne dis pas ça ici. Ça devait rester entre nous. Ouais, Et ben, moi j'aimerais bien vous voir. Et d'ailleurs, ce que je disais en off, c'est que cette musique-là, quand je l'écoute, moi, je l'imagine comme ça, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi. J'imagine un festival au mois de juin, avec la nuit qui tombe, ce crépuscule qui arrive, une foule qui vient déjà d'écouter deux groupes sympas et qui est bien échaudée. On rappelle d'ailleurs que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, mais vous voyez quand même l'idée. Et là, bim, vous arrivez avec vos lunettes de soleil. De soleil, vos lunettes. Anaglyphe. Pardon ? Anaglyphe. Voilà. Je n'essaierai pas de le répéter. Non. Il y a des belles lumières qui arrivent, qui se couplent avec la lune naissante. Et on a de l'électro, rétro, futuriste, qui défonce sa mère. Parce que c'est quand même pas cool comme image, ça. C'est tellement poétique. C'est tellement poétique. Et puis, vous enchaînerez les concerts. Et cela restera gravé dans votre mémoire comme des souvenirs. Amen. Des souvenirs du passé, mais aussi peut-être... des souvenirs du futur. Bien sûr. Attention, belle transition. Je suis le roi des transitions. Ah, magnifique. Chers amis, on était avec Death by Selfie, pardon, Stan et Harald, duo électro-pop, rétro, futuriste, qu'on retrouve sur Bandcamp, sur Facebook, Deezer, Spotify, toutes les belles plateformes, une belle crémière pour l'EP Multivers, et puis les anciens morceaux aussi, puisqu'il y a d'autres morceaux, je crois. Bien sûr. Enfin, je suis même sûr, en fait, puisque je vous avais déjà reçu. Ben du coup. Oui. Donc, un univers à découvrir, et je vous remercie. Merci à toi Pierre, merci pour ton accueil. Et bien de rien, au 94.1 en CFAJet.net, les samedis 13h, dimanche midi, le podcast dimanche à 18h sur Onshore. Et on va se laisser quand même, Onshore, avec le titre Souvenir du futur de l'EP Multivers. Alors voilà, là j'imagine qu'on est vraiment dans le trip science-fiction quoi. Là ça va secouer quand même, on prépare quand même un peu les auditeurs, on leur dit quand même de s'échauffer un peu le coup. Ouais. Par contre si vous êtes au volant, faites attention à vous. Et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau couloir local, Souvenir du futur de Death by Selfie. À bientôt! Regarde vers les étoiles, regarde vers les étoiles, regarde vers les étoiles, regarde vers les étoiles. Dans mon souvenir, l'avenir. Ça on sait plutôt bien. On avait foi dans l'avenir. On n'avait plus peur de rien. Les invasions de zombies, on avait plus peur de rien, on avait plus peur de rien. Les pandémies, les tsunamis, on avait plus peur de rien, on avait plus peur de rien. Souvenir du futur, souvenir du futur, souvenir du futur. Souvenir du futur, souvenir du futur, souvenir du futur. Souvenir du futur, souvenir du futur, souvenir du futur. Multivers, multivers, multivers, multivers, multivers. Te souviens-tu de demain?